Bébé, dis-moi c'est quoi ton CV. Attends, je regarde, je te dis si ça va. T'inquiète, y'a rien, on s'adapte. Mais dis-moi c'est quoi ton CV. Savoir si je devrais mettre un pare-balles. Tes frères à terre au combat. Avec l'opinel, on fait pas d'étincelles. J'allume la flamme vite quand le cœur s'étincelle. J't'ai promis main de choses, mais c'était pas sincère. Y'a toujours mon gang shit, c'est ça mon essentiel. On connaît ton CV, donc on t'avait ski. Pensif, j'allume un joint de shit. Personne t'arrive à la cheville. J'passe en bol, j'pas t'attends quoi. J'reviens juste pour prendre ce qui me revient de droit. Et c'est chacun ses choix. Tu sais, on surmontera les étapes. Tu sais que, avec moi ça finit mal. Tu sais qu'on se laissera pas, qu'on surmontera les étapes. Tu sais qu'histoire de love avec moi ça finit mal. Dis-moi c'est quoi ton CV. Attends, je regarde, je te dis si ça va. T'inquiète, y'a rien, on s'adapte. Mais dis-moi, c'est quoi ton CV. Savoir si je devrais mettre un pare-balles. Tes frères à terre au combat. Bébé, à la quétale. J'ai la fame, j'ai l'étale. Rien que tu mens depuis tout à l'heure. Bébé, à la quétale. J'ai la fame, j'ai l'étale. Rien que tu mens depuis tout à l'heure. Si tu poses ton boule, bitch, on va pas te marier. Tu crois que c'est un hold-up, mais c'est un bal masqué. Je rentre pas dans ton jeu, je te réponds, t'as gagné. Cupidon s'est fait fumer dans la ville. On peut se voir quand j'ai du time. Je te follow sur OnlyFans. Je sais que ton cœur est en panne. Ok, ok. Je bougerai les montagnes. Déplacerai toutes les planes. Tout ça pour casser ton dos. Tu sais qu'on surmontera les étapes. Tu sais que avec moi ça finit mal. Tu sais qu'on cessera pas, qu'on surmontera les étapes. Tu sais qu'histoire de love avec moi ça finit mal. C'est quoi ton CV. Attends, je regarde, je te dis si ça va. T'inquiète, y'a rien, on s'adapte. Mais dis-moi, c'est quoi ton CV. Savoir si je devrais mettre un pare-balles. Tes frères à terre au combat. Bébé, à la quétale. J'ai la fame, j'ai l'étale. Rien que tu mens depuis tout à l'heure. Bébé, à la quétale. J'ai la fame, j'ai l'étale. Rien que tu mens depuis tout à l'heure.